Oui, alors donc le point 1, c'est remplacer la loi et les rues. Ça paraît très simple comme affirmation. En fait, elle a fait vraiment couler beaucoup d'électrons, puisque c'est comme ça qu'on débat aujourd'hui. Alors bon, d'un point de vue technique, alors pourquoi ça fait couler de beaucoup d'électrons? Parce qu'on a choisi de dire remplacer la loi et les rues et non pas abroger la loi et les rues. Alors d'un point de vue technique, de toute façon, abroger une loi, ça veut dire nécessairement promulguer une autre loi qui va remplacer les articles de la loi en question par quelque chose. Donc de toute façon, qui dit remplacement dit forcément abrogation, mais évidemment, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on dit abrogation, on pense retour à l'état antérieur, c'est-à-dire on remplace les articles en question par ceux qu'il y avait avant. Et quand on dit remplacement, évidemment, ça ouvre un petit peu plus la porte à remplacer par autre chose, et évidemment avec l'accusation éventuelle qu'on va remplacer par pire. C'est pourquoi pas. Bon, alors ça fait évidemment l'objet de pas mal de discussions entre nous et puis après dans la réception de ces points. Bon, l'idée quand même qu'on avait, c'était que déjà sur la forme, il y avait un problème. C'est-à-dire que notre analyse de l'échec, quand même, il faut bien le dire, du mouvement de 2009, c'est qu'on avait, malheureusement, les médias ont réussi à faire croire que nous étions les réactionnaires par rapport à ceux qui faisaient bouger l'université, et que nous, ce qu'on voulait, c'était le statu quo, défendre nos privilèges, etc., etc. Bon, et que donc, l'aspect revenir au passé était, à notre avis, quelque chose qui était un mauvais signal de donner. Bon, et puis l'autre chose, parce qu'il faut quand même pas non plus se cacher derrière son petit doigt, l'autre chose, c'est que oui, aussi, on avait quand même l'idée que non, il faut remplacer cette loi par autre chose, mais autre chose qui remplaçait aussi l'ancienne, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes. Bon, et en particulier, si on prend ce qui, à mon avis, sont les trois points principaux de la LRU, qu'elle instaure, c'est des choses qui sont extrêmement graves et inadmissibles, mais sur des points où, effectivement, on ne peut pas nier qu'il y avait problème auparavant. Alors, un des points, par exemple, c'est la dévolution du patrimoine, c'est-à-dire le fait que les universités deviennent propriétaires de leurs locaux. C'est quelque chose qui est absolument inadmissible parce que c'est la porte ouverte à la vente des campus à terme s'il y a des problèmes budgétaires dans les universités. En même temps, il est bien clair que la gestion du parc immobilier universitaire en France était totalement inacceptable et que c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Bon, et que donc, il faut effectivement remplacer la LRU et ce qu'il y avait avant par des vraies solutions au problème de la dévolution. Bon. De même, l'histoire des conseils centraux. Aujourd'hui, il y a en fait une transformation des universités où le président devient une espèce de chef d'entreprise avec les conseils centraux qui sont des chambres d'enregistrement. C'est absolument inadmissible. En même temps, tout le monde était d'accord pour dire que les conseils qu'il y avait auparavant étaient parfois assez pléthoriques avec des gestions quand même assez opaques de ce qui pouvait se passer. Donc, il y a une nouvelle interrogation sur comment faire pour avoir une meilleure collégialité que celle qu'on avait même avant la LRU. Bon, et enfin, les RCE. C'est-à-dire les responsabilités et compétences élargies, qui sont la gestion du budget de manière plus souple, enfin plus directe au niveau de l'université. Tel que c'est fait par la LRU, c'est inacceptable parce que c'est en fait le président qui fait ce qu'il veut de ce budget. Mais en même temps, de nouveau, les pesanteurs administratives dans la gestion du budget des universités sont aussi effectivement un problème. Donc c'est pour ça qu'on a préféré dire, oui, il faut vraiment remplacer la loi LRU par quelque chose qui soit encore mieux que ce qu'il y avait auparavant.